very underrated. Underground. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes les bienvenus sur Radio Gemozo 107 FM. Vous pouvez également nous écouter eh bien, sur www.radiogemozo.eu ou en streaming et eh bien sur notre site internet, voilà ce que je viens de nommer. Et aujourd'hui avec nous eh bien, deux invités, je suis ravie que vous soyez avec nous. Il s'agit de Denis, représentant la ferme Aventure. Bonjour. Eh bien, bonjour Lia. Comment ça va ? Bonjour chers auditeurs. Voilà, et puis Lambert qui représente aujourd'hui la Maison du Tourment. Bonjour, bonjour, oui. Comment ça va tous les deux ? Eh bien, en pleine forme avec le soleil ici, donc c'est magnifique. Eh bien, super. Alors, vous êtes venus tous les deux et c'est pas un hasard, hein. Vous êtes aujourd'hui partenaires, c'est bien ça, sur le site de la Ferme Aventure. On va y revenir. Alors déjà, eh bien, on plante le décor, hein. La Ferme Aventure, eh bien, c'est un lieu unique en son genre, situé en plein milieu des Vosges à la Chapelle aux Bois, c'est bien ça. Oui, à quelques kilomètres ici, 20 kilomètres de Saint-Étienne-lès-Miremont. Mmh. Voilà, donc un parc où on marche pieds nus, c'est l'identité forte du parc. C'est vrai. Et cette année, bien sûr, on fête nos 15 ans. Et oui, ça c'est super important que tu nous le rappelles. Déjà 15 ans de création, j'imagine que le chemin a été jonché d'expériences. Voilà, un long parcours, hein, pieds nus bien sûr, ouais. Mais avec émaillé de plein de choses, de nouveautés chaque année. Et oui. Bien sûr, pour ces 15 ans, voilà, les nouveautés seront un peu plus d'ampleur, je dirais. Et donc, avec bien sûr, sur le parc, des nouveautés telles Tectus. Alors, Tectus, on se pose la question, qu'est-ce que c'est ? Et bien sûr, en exclusivité, on va dévoiler le secret de Tectus aujourd'hui. Wow. Tectus, c'est simplement un toboggan souterrain. Ah oui ? Voilà. Ouh là là. Alors ça, tu l'as créé toi-même, comme tout le reste du parc ? Voilà, avec toute la famille, hein, parce que c'est toute une aventure familiale, bien sûr, avec mes fils et tout le reste de la famille. Et c'est une création aussi personnelle, voilà, donc... les idées fusent un petit peu et puis après je fais appel à mon fils Émile qui est lui un petit peu plus technicien, donc il s'arrache un peu les cheveux donc il n'a encore pas mon stade, mais bon voilà, ça va venir. Donc l'attraction va être prête pour la fin du mois, donc voilà, on attend que les peintures sèchent. Ah, comment ça s'organise ça ? Depuis quand tu as eu cette idée ? Et déjà, d'où ça t'est venu cette idée ? Parce que tu débordes d'idées. De ce labyrinthe souterrain, en fait, ce n'est pas mon idée. Pour une D'accord. fois, c'est le plus jeune, c'est Théo. Théo qui a eu un petit peu cette idée. À l'automne, dire on devrait faire un labyrinthe souterrain. Bah, j'ai dit, bonne raison, quoi. Ah, et oui. Voilà, donc, et puis ensemble, on a construit un petit peu le projet. C'est incroyable, voilà, ça. Voilà. Comment on construit un labyrinthe souterrain ? Eh bien, on creuse, ouais. Et puis on met un petit tunnel sous la terre, et puis il y aura une salle de réception. En fait, c'est un peu les couloirs du temps. Ah oui. Donc, c'est au bout du labyrinthe du château. Donc, pour s'évader, bien sûr, du labyrinthe du château, eh bien, il faut passer la porte du labyrinthe, et qui nous amène directement dans les couloirs du temps. C'est incroyable. Je me rappelle, l'année dernière, tu proposais un escape game dans le grenier. Il y avait quelque chose comme ça, hein ? Oui, bien sûr. Ouais. Alors, donc, on poursuit avec des nouvelles énigmes, ouais. Bien sûr. Une aventure qui se fait déjà sur le parc pour se terminer eh bien, dans les greniers, donc avec mystère au grenier. Eh oui, c'est incroyable. Il y a vraiment plein de choses, de nouvelles choses. C'est vraiment de l'innovation tout le temps. Voilà, toi, tu as vraiment envie de proposer vraiment... À chaque fois, chaque année, quelque chose de nouveau ? Oui, en fait, c'est un véritable terrain d'aventure hein, pour petits-enfants et grands-enfants, hein, bien sûr, puisque c'est quand même, à la base, un parc familial où on vient pour s'amuser. Et puis, dans un sens, on n'éclate pas la famille parce que chacun y retrouve un petit peu, eh bien, un profit, enfin, je veux dire, voilà, un plaisir pour petits et grands. Oui, oui. Il y a toujours aussi les petites activités en famille, hein, construction de cabane pour l'année dernière, je me rappelle. Ah oui, ça, parce c'est que important. Là, chaque jour, vous allez pouvoir gagner votre nuit. Et ça s'appelle la nuit des aventuriers. Wow. Alors, la cabane un peu préconstruite, hein, mais après, il faut construire sa cabane. Hein, une fois que vous avez, il y a un petit tirage au sort, si vous voulez, à la fin de la journée, après le jeu de l'escape game. Et là, chaque jour, une famille ou un couple, voilà, passe la nuit sur le parc, un peu à la façon des aventuriers, quoi. Wow. C'est un peu le Koh-Lanta à Vosgien, j'allais dire. pourquoi pas, c'est super ça. Alors, Lambert, tu participes cette année à l'aventure, c'est une première ? Alors c'est une première effectivement, donc en plus de Tectus qui est l'une des nouveautés cette année, donc il va avoir un spectacle, donc une grande première également pour la ferme aventure, puisqu'en fait les gens vont être immergés dans un nouvel univers, donc sur la thématique des Mayas. Ah oui. Donc voilà, là vraiment l'expérience va être tout du long, donc avant le spectacle, puisqu'il s'agit d'un spectacle, avant, pendant et après, puisque justement le décor sera très immersif et vont plonger les gens donc, dans un véritable temple aztèque. Ah oui. Et ça se passe à quel endroit de la ferme aventure ? Surprise. Surprise, on laisse la surprise. C'est une partie qui avait été utilisée avant, donc il y avait un autre labyrinthe. Mais donc du coup, justement, donc, dans cette partie-là, elle va être totalement décorée donc, différemment pour que justement les gens, dès leur arrivée, ils soient plongés dans cet univers Maya. Voilà. Pourquoi l'univers Maya alors ? La ferme aventure, c'était vraiment justement, l'idée c'était de plonger un petit peu les gens comme dans une aventure à la Indiana Jones ou Tomb Raider. Donc du coup, je trouve que ça se prêtait vraiment bien à la ferme. Donc voilà, et de par ce spectacle-là, justement, ça va être un spectacle assez intergénérationnel et interactif. Donc justement, les petits explorateurs, donc les petits bambins et les grands-enfants vont pouvoir se joindre à l'aventure et participer donc à la recherche des secrets du temple de Chapaya. Waouh, quelle aventure! Ça donne envie en tout cas. Donc ça, tu le proposes avec Lambert du Décor? C'est ça, voilà. Hein? Donc sous mon nom de scène, Lambert du Décor, avec mon acolyte Stella Miller. Eh bien oui. On va justement en duo proposer donc une aventure donc de 20-25 minutes à peu près. Donc voilà, avec des numéros interactifs qui mêlent apparition, disparition, un peu de numéro de mentalisme, un petit peu de grande illusion. Ah oui. Donc tout ça sur une scène qui est toute neuve, hein, donc avec Émile et puis toutes les autres personnes qui travaillent à la ferme aventure ces derniers jours. C'est un petit peu une ruche pour que tout le monde s'affaire justement à terminer ça pour que tout soit bon pour l'ouverture. Donc d'ici quelques jours déjà, ça approche très vite. Oui. Donc montre en main, tout doit être fini. Et donc voilà, on espère en tout cas que cette nouvelle aventure va plaire au plus grand nombre des visiteurs. C'est garanti. L'ouverture, c'est pour très bientôt là du coup ? Oui, on est déjà ouvert depuis le début du mois de juin, tous les dimanches, avec bien sûr pas la totalité des attractions, mais en fait, déjà pour les gens qui viennent là, ils profitent pleinement du parc avec moins de tourisme, mais voilà, à chaque saison, à chaque moment, son charme. Ça, c'est vrai. Oui, voilà. C'est vrai. Donc l'ouverture, vraiment, tous les jours, c'est pour le mois de juillet ? Eh bien oui, le coup de feu, j'allais dire, ce sera... Eh bien, juste pour aux vacances scolaires. Quoi. Voilà. On a hâte, en tout cas. Donc là, vous êtes partenaires tous les deux. En tout cas, toi, tu te mêles à l'aventure de la ferme aventure. Hein, c'est le cas de le dire. Comment vous êtes rencontrés ? Eh bien, je suivais de près la ferme aventure parce que j'adorais y aller avec des centres aérés, comme j'étais animateur BAFA il y a encore quelques années. D'accord. Et puis c'est toujours un petit peu resté dans ma tête, le lieu s'y prêtait vraiment à merveille, et on avait des contacts en commun, etc. Et donc petit à petit, je crois que c'était il y a 2 ans, on s'est rapprochés, on a commencé à parler du projet, d'une éventuelle collaboration, et Denis, toute sa famille sont des personnes assez créatives, et moi aussi, donc je pense qu'on a très vite trouvé un terrain d'entente, et puis... voilà quoi, les idées ont fusé, c'est parti un petit peu dans tous les côtés, et voilà comment est né le spectacle Chapaya, pour la Maison du Tourment aussi, etc. Et oui, on va y revenir. En tout cas, tu as trouvé un bel acolyte. Très très bien, oui, c'est vrai que dès les premières rencontres, ça a fusé. Et puis il faut dire que moi, je suis un adepte de la Maison du Tourment, hein, qui a eu quelques éditions précédentes, et depuis la première, j'étais là pour la Maison du Tourment, et puis c'est quelque chose qui me passionne aussi, donc une deuxième étape, cette fin de saison, puisqu'on va prolonger l'ouverture du parc au mois d'octobre, oui. Le parc Mais je laisserai le soin, bien sûr, à Lambert de présenter un petit peu tout ça, parce que c'est quand même son bébé. Oui. Alors, je lui laisserai l'honneur de présenter tout ça. Eh ben voilà. Alors, je vais faire un petit parallèle avec notre première bulle de son. On n'oublie pas que la ferme Aventure, elle, propose ce fameux sentier pieds nus. Hein. Voilà, là, c'est riche de sensations. On se redécouvre quand on est pieds nus. Toi, tu dois en savoir quelque chose. Oui, c'est vrai, tout à fait. Bah, là, je suis pieds nus. On est très, très bien pieds nus. Hein. Et c'est vrai que la ferme Aventure, c'est une véritable bulle de nature, oui. Et d'oxygène, et de rire, et de jeu, etc. Et bien sûr, l'identité forte du parc, eh bien, c'est le parc pieds nus. Oui. Vous arrivez, vous posez vos chaussures et vous passez une journée pieds nus. Hein. Voilà, et c'est un vrai bonheur de marcher pieds nus, et c'est excellent aussi pour la santé. Et oui, c'est vrai, ouais. Il faudrait que je fasse une minute bonheur là-dessus, marcher pieds nus. Et on reste jeune et dynamique, marcher tous pieds nus. Ah ben voilà, quel beau message. Et ça a été vraiment l'identité tout de suite dès la création. Oui, un an après l'ouverture du parc, hein, où on a commencé un petit peu les différentes activités autour du labyrinthe, puisque ça faisait quelques années que je travaillais autour de cette thématique du labyrinthe. Et puis, ben voilà, c'est un petit peu le hasard, entre guillemets, qui nous a guidés sur ce nouveau chemin. Eh ben voilà, super. Donc, eh bien, on écoute tout de suite notre premier son, hein, que tu nous as gentiment choisi en rapport avec le thème d'aujourd'hui. Il s'agit de Marcher dans la boue, mais ça s'appelle Le Loir-et-Cher de Michel Delpech. Mais nous, on gardera Marcher dans la boue, parce qu'on... Ah oui, je vous assure, et c'est ce que les gamins préfèrent. Hein. On fait un petit test, que vous avez préféré aux gamins. Oh, Marcher dans la boue, c'est super. Eh ben voilà. On écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. Ils me disent, tu vis sans jamais voir un cheval à hibou. Ils me disent, tu ne viens plus, même pour pêcher un poisson. Tu ne penses plus à nous. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne de dîner avec nous. La nuit dans le Loir-et-Cher. Ils me disent, tu vis sans jamais voir un cheval à hibou. Ils me disent, tu ne viens plus, même pour pêcher un poisson. Tu ne penses plus à nous. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne de dîner avec nous. On dirait que ça te gêne. Nous sommes toujours ensemble, eh bien, dans la bulle aujourd'hui avec mes deux invités, Denis Duchesne de la ferme Aventure et Lambert de la maison du tourment, Lambert du décor, etc. T'as d'autres choses comme ça? J'hésitais entre Lambert de terre et Lambert du décor, mais Lambert du décor, ça sonnait quand même mieux. Ah bah oui, c'est quand même super ça, c'est vrai, c'est vrai. Alors, on n'oublie pas, eh bien, que sur la ferme Aventure, il y a toujours ces nuits insolites qui sont proposées. Ça, c'est quand même aussi une identité identité propre au parc. Hein. On a vraiment toutes sortes de logements insolites. Alors, on a la roulotte, on a le dôme, on a la pyramide. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? La cabane dans les arbres, il ne faut pas l'oublier, celle-ci. Eh bien oui, la cabane dans les arbres, on est aux 15 ans, ça fait 14 ans. On était les pionniers, bien sûr, dans l'Est de la France, hein, avec cette cabane dans les arbres construite de nos mains avec mon fils. Il avait 15 ans à l'époque. Ça tourne les années. C'est sentimental. Et puis, bien sûr, un joli parcours avec la pyramide, oui, c'est vrai, les tipis, le chariot western, voilà. Il y a des couleurs différentes, des hébergements différents, des expériences différentes. Voilà, c'est ce qu'on cherche à proposer, tant sur le parc que dans les nuits à la ferme aventure. Avec, le dernier venu, mais qui est encore en pièces détachées, c'est un Nord Atlas. Voilà, je l'ai démonté avec mes fils, 8 jours intenses de démontage, à Brienne-le-Château. C'est un avion abandonné en bout de piste, une ancienne piste de l'OTAN, à Brienne-le-Château. Là, un bel endroit où on peut faire du parachutisme, d'ailleurs. Ah oui. Donc je pense qu'on va aller tester ça l'automne après la saison. Bah oui, alors du coup, encore un nouvel avion sur le site. Il y a déjà la Caravelle. Hein, oui, la Caravelle qui a quelques années, démontée en 85 à Paris, en piste aussi à Orly. Et puis après, une quinzaine d'années de nuits folles en chansons, en karaoké bien sûr, transformée en gîte. Et deux autres avions que j'ai récupérés il y a 2 ans, un petit peu plus de 2 ans, deux Antonov AN2 que j'avais démonté en Pologne. D'accord. La restauration va se terminer sur l'automne, donc ce sera ouvert pour la prochaine saison, pour 2020. Et puis le Nord Atlas qu'on va remonter aussi, et puis suivra aussi sa restauration pour passer de nouvelles nuits insolites. Ça doit s'envoyer vraiment en l'air. Ça doit vraiment plaire ça au public de dormir dans un avion, c'est vraiment très insolite, et là je pense que personne d'autre sur le secteur ne le propose. Et là on dort très bien, mieux que dans un avion de ligne dans des longs trajets où c'est difficile, qu'on est coincé entre deux sièges, là c'est tout le confort. Mais comment tu arrives à prendre cette époque? D'où vient cette opportunité de récupérer un avion en bout de piste? Comment? Je suis assez passionné par les avions, et c'est vrai que cette passion me fait rencontrer des tas de gens. Donc j'ai rencontré Jean-Marie qui est un passionné de Nord Atlas. Il a d'ailleurs restauré en Haute-Savoie un autre Nord Atlas qui est une chapelle. D'accord. Voilà, donc c'est transformé en chapelle, et il a passé, il est en retraite maintenant, il était décorateur. Ils ont transformé cet avion c'était déjà une chapelle un petit peu qui avait été faite dans cet avion par un prêtre qui avait monté. C'est toute une histoire. Et là, c'est merveilleux, on va y aller au mois de septembre. Voilà. Donc, de fil en aiguille, on rencontre plein de passionnés, et puis voilà. Eh ben oui, du coup, on peut proposer plein de super choses, super idées au public, et ça, c'est super. Comment ça se passe si on envie de venir dormir chez toi? tout simplement, il faut aller faire un petit tour sur notre site, www.nuitinsolite.com, tout simplement. Et puis là, il y a un tas de photos et toutes les nécessaires pour faire une petite réservation. Alors c'est vrai que là, avec le soleil, le planning d'été se remplit. Alors il faudra un petit peu se dépêcher si vous voulez venir après votre journée animée pieds nus, profiter du calme, de la plénitude et le hurlement de la chouette, etc. Et vous pourrez également être en toute zénitude, mais également réveillé par ce que propose Lambert avec la maison du tournant, donc qui s'associe, en tout cas qui vient sur le site de la ferme Aventure. Alors comment ça se passe tout ça? D'où c'est venu la maison du tournant? Dis-nous tout, en fait. Alors oui, les origines de la maison du tourment, en fait, c'était simple. C'était vraiment un projet, on va dire, entre potes, entre amis. On voulait faire un film d'horreur. Ah oui. Et on s'était dit, les gens, en fait, ils vont être peut-être un peu trop passifs à regarder un film dans un canapé ou au cinéma. Et ce serait sympa si on échangeait un petit peu pour les faire passer de l'autre côté du miroir. Et donc là, on s'est dit, c'était en 2012 à l'époque, on va créer une espèce de maison hantée, des décors de cinéma où ils vont pouvoir déambuler, et les acteurs, justement, seront directement en contact avec les visiteurs. Donc c'est un concept qui avait vraiment bien marché. Puisqu'en fait, dès la toute première année, le 31 octobre, on a eu jusqu'à 5 heures d'attente. Ah oui. C'était vraiment énorme. Et de mémoire, il me semble que ouais, le jour d'Halloween, on a même eu de la neige. Donc les gens avaient les cahouets, les parapluies. C'était vraiment quelque chose. Et les gens ne se sont pas débinés, ils sont restés vraiment jusqu'au bout. Incroyable. Donc voilà, ça a fonctionné en 2013, l'année suivante, et en 2015 à Puisieux. Et puis, ben justement, mon activité d'artiste illusionniste a pris le pas pendant quelques années. Donc, du coup, ça s'est resté un petit peu de côté. Et, j'ai continué à laisser mûrir le projet dans ma tête pour un jour peut-être faire quelque chose. Et justement, on arrive à 2019 où là, on est vraiment plein dedans. Et donc, le projet va continuer d'évoluer puisque cette année, c'est plus une attraction ni deux, c'est un parc de loisirs qui se complète vraiment parfaitement bien avec la ferme aventure puisque maintenant, on a vraiment une clientèle internationale qui vient parfois de très loin. Donc, du coup, justement, comme Denis en parlait justement tout à l'heure, les gens vont pouvoir continuer leur expérience en fait à la ferme aventure et à la maison du tourment en dormant dans les hébergements qui sont vraiment au cœur du parc. Donc pour continuer le frisson, à une minuit, 1h du matin, justement, ils vont pouvoir dormir dans une pyramide en verre en plein cœur de la forêt. Waouh. Donc je pense que ça peut donner aussi quelques petits frissons. Après, libre aux gens, justement, de dormir ou pas durant leur visite. Quoi. C'est une vraie complémentarité, en fait, tout ça. Hein. Peut-être qu'il y aura des logements insolites propres à la maison du tourment pour vraiment faire frissonner... Pourquoi pas sous terre ? Le futur nous le dira. En tout cas, on va déjà laisser, je pense, passer cette édition. Et oui. On espère que le public sera vraiment au rendez-vous. Et donc, wait and see, comme disent les Anglais. C'est vrai. Alors vraiment, là, le parc de la Maison du Tourment, hein, ce qui est proposé, c'est sur le site de la ferme Aventure à la Chapelle-aux-Bois. Ça se situe vraiment là. Hein, oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que l'organisation de cet événement profite de toutes les infrastructures du parc, bien sûr, qui est importante pour l'accueil aussi. Parce qu'en fait, la Maison du Tourment, c'est quand même, je ne sais pas, tu ne pourras pas redire les chiffres, hein, puisque la dernière édition, vous aviez refusé... On avait refusé à peu près 7500 personnes qui n'ont pas pu venir. Ouais. Incroyable. Ouais. Ah oui. Donc là, c'est vrai qu'avec les infrastructures, ça va être plus simple pour l'organisation. Et puis, c'est une autre dimension, j'allais dire. Oui, ouais. Et du coup, si on veut déjà participer à l'aventure, si on a envie de venir, il faut vraiment réserver. Voilà, on conseille vraiment aux gens de réserver. Pour l'instant, forcément, les samedis du mois d'octobre et novembre sont quasiment complet en tout cas. Il reste pas mal de place pour les vendredis soirs. Mais effectivement, ça se remplit relativement. Donc si les gens veulent assurer leur visite, on leur conseille donc de se rendre sur le site. www.maisondutourment.com. Et bien voilà, on remettra tous les liens utiles avec le podcast de cette émission. Alors j'imagine que le décor doit être grandiose aussi pour la Maison du Tourment. Et il me semble qu'il y a même un petit rapport avec l'émission Face Off pour ceux qui connaissent avec tout ce qui change l'apparence humaine. Oui, oui, oui. Alors pour les connaisseurs, effectivement, il y a une super émission qui s'appelle Face Off. C'est une émission justement qui regroupe tous les meilleurs prothésistes maquilleurs du monde entier. Oui. Donc du coup, ils ont un thème et donc ils composent dessus. Et justement, pour cette année, justement pour sortir du cliché du t-shirt déchiré avec des petites gouttes de sang, pour faire des zombies, enfin des créatures que les gens peuvent faire eux-mêmes, on s'est dit là vraiment, si on veut une qualité cinéma, il faut monter vraiment en gamme, en qualité. Donc justement, on a fait vraiment appel aux meilleurs maquilleurs, créateurs de masques ou autres du monde. Quoi, voilà. Incroyable. Comment tu arrives à avoir des contacts comme ça ? Eh ben c'est un peu comme les avions, je dirais, c'est vraiment avec passion. C'est énormément de temps de recherche sur Internet pour trouver les bons contacts, les bons interlocuteurs. Et puis après, il y a aussi du travail fait main, hein, beaucoup par rapport au décor, etc. Il y a pas mal de travail fait main. Donc il y a deux ans de recherche des créations sur papier pour déjà imaginer des concept art, des dessins. Et après, depuis cette année, depuis février, là, petit à petit, plusieurs de mes contacts et moi-même, on bosse sur les décors. En ce moment, on travaille vraiment main dans la main avec la ferme Aventure, puisqu'en fait, l'une des attractions de la Maison du Tourment est liée aussi à l'univers de Chapaya du spectacle qui sera inauguré prochainement. Donc, c'est l'une de mes attractions, on va dire, coup de cœur cette année, puisqu'en fait, il s'agit d'un véritable temple Inca. Donc c'est très très difficile à réaliser puisqu'il ne s'agit pas uniquement de collecter des vieux meubles ou autres issus de déchetterie ou de vide-grenier. Là, c'est vraiment de la création personnelle de A à Z. Donc ça nécessite énormément de travail de recherche et puis de construction. Ah ben c'est super. J'imagine que Denis, tu dois être vraiment séduit par tout ça parce que... Ah oui, c'est fantastique. Je vais faire un petit rappel. C'est aussi bien les acteurs puisque là, il va y avoir pas loin de 80 acteurs. Il y a déjà... Enfin, je te laisserai en parler, mais peut-être il y a déjà 60 acteurs. Moi, j'ai participé au casting aussi. Ah et bon des gens motivés. Et voilà, mais peut-être un petit mot sur le casting. Oui, tout à fait. Alors, du coup, effectivement, comme Denis l'a souligné, on a 80 figurants à peu près qui sont motivés, qui viennent vraiment de partout. On a des Parisiens, on a des gens de Mulhouse, de Strasbourg, des Romarimontains aussi. Et donc, du coup, toutes les tranches d'âge sont présentes à partir de 18 ans, donc les majeurs. D'ailleurs, on a encore quelques places, hein, si je laisse une bouteille à la mer, s'il y a des personnes qui veulent nous rejoindre. Donc voilà, on a des jeunes, des étudiants, des personnes qui sont à leur compte, de tout âge, qui sont pour la plupart amateurs. Hein, mais en tout cas, nous, en interne, on va leur assurer une petite formation pour leur expliquer comment déambuler, gérer son espace... gérer donc le stress des visiteurs aussi, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un visiteur qui a peur et qui essaie de... Voilà. Donc toutes ces techniques-là, on va leur apprendre justement pour vraiment faire quelque chose de carré et que chacun s'amuse. Parce que je peux vous assurer qu'être acteur, c'est vraiment un bon défouloir. Après une bonne semaine de stress au boulot, on va dire, pour décompresser, vraiment, il n'y a pas mieux. Et même les plus peureux... Moi, je suis très peureux, en tout cas. Je fais la maison du tourment, j'adore faire peur. Mais à la base, je suis très peureux. Et c'est passer de l'autre côté du miroir, c'est vraiment quelque chose à vivre. Parce que pour les acteurs qui seront là, ils verront aussi toute la technique, la logistique. Comment, justement, à partir d'un simple décor, faire une belle mise en lumière, créer une atmosphère sonore, visuelle. Donc tout ça, justement, ils seront plongés dedans et... Je pense que pour eux, ça va être vraiment une expérience très, très enrichissante. Ah bah ça, c'est sûr. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Donc, si jamais on veut participer à l'aventure, on peut te contacter, voilà, pour... Tout à fait, oui. Vous avez un petit formulaire de contact, pareil, sur notre site internet. Et donc, nous, on s'occupera de recontacter individuellement les personnes pour leur expliquer un petit peu tous les tenants, les aboutissants. Voilà, sensation forte garantie, en tout cas. Et vraiment, c'est génial comme idée. C'est une première, là, dans le secteur. On n'a jamais vu quelque chose comme ça ici. Alors, vraiment, l'horreur, c'est quelque chose qui s'est très bien démocratisé ces derniers temps. Donc, on a de plus en plus d'expériences, on va dire, un petit peu similaires. Mais sous la forme d'un parc de loisirs, en tout cas, pour l'instant, on est les seuls en France à le faire. Et justement, voilà, le succès est au rendez-vous, pourquoi pas, d'année en année, peut-être ajouter des attractions. L'idéal, ce serait vraiment de devenir une référence en Europe en matière de parc de loisirs horreur. Sachant qu'ils sont rares encore, hein. On en a quelques-uns en Angleterre et quelques-uns aussi en Espagne. Justement, les parcs tournent à 6 ou 7 attractions maximum. Donc du coup, l'idéal, ce serait déjà d'égaler ce nombre d'attractions tout en gardant une certaine qualité dans les décors et dans l'organisation, les acteurs. Incroyable. Donc la ferme aventure se transforme dès le 11 octobre, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça, voilà. Donc, sur juillet-août, on a vraiment, grâce à la ferme aventure, une clientèle qui est très familiale, donc avec les familles, les ados, les adultes qui viennent. Et à partir du mois d'octobre, justement, changement d'atmosphère, changement d'ambiance pour une clientèle qui est un peu plus ado, jusqu'à 50, 60 ans. Après, il n'y a pas de limite d'âge. Quoi, ok, voilà. Donc il y a un minimum quand même. Voilà, on ne vient pas si on n'est pas ado, quoi. Voilà, on déconseille quand même au moins de 16 ans, non accompagné d'un adulte. Après, voilà, 16 ans, je pense que c'est le bon âge. Ouais. Ah bah là, c'est sûr. Là, on se découvre, et on teste ses limites. Donc là, c'est parfait. Tout à fait. Voilà, ce qu'on propose aux visiteurs, c'est de sortir un petit peu de leur zone de confort habituelle, le temps d'une soirée en tout cas, et de se défier entre amis. En tout cas, voilà, c'est ce qui est bien. Entre amis, justement, il y a des courageux, il y a des peureux. Donc du coup, en fait, les gens rigolent entre eux. Et à chaque fois, même s'ils n'ont pas forcément peur, bien que ça soit le but quand même, on va tout faire pour leur faire peur, il y a des personnes qui, justement, admirent quand même le travail de décor, etc. Incroyable. Et il y en a d'autres, justement, qui ferment les yeux et qui courent. Donc c'est différents types de personnes et chacun y trouve son compte. On va venir faire une immersion dans la maison du tourment, ça va être génial. Ah ben on vous accueille en tout cas à bras ouverts, il n'y a pas de souci. Donc du 11 octobre au 2 novembre, là, voilà, on pourra venir à la maison du tourment pour le grand frisson. Voilà. Est-ce que tu as testé, Denis ? Oui, j'ai testé bah, plusieurs années, puisque les premières expériences, donc je les ai faites, j'ai fait toutes les maisons du tourment. Et c'est vrai que bah, moi, j'adore ça. Bon, j'aimerais être l'autre côté aussi du miroir, être acteur, parce que c'est une chose qui me passionne. Mais bon, bah, voilà. Mais peut-être que je testerai une petite soirée. Voilà. On va maquiller Denis, on va lui. On va faire un personnage à chapeau assez sympa. T'as été recalé pour le casting, c'est ça? Oui, il n'y a pas de problème. Ok, alors on se lance dans une deuxième bulle de son avec une musique bien spécialement préparée par Lambert, hein, chacun son tour. D'ailleurs, il a plus bossé que toi, Denis, sur la playlist d'aujourd'hui. C'est vrai, hein. On écoute tout de suite Louise Attaque pour « Je t'emmène au vent » et on se retrouve juste après. Allez viens, je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle artificielle. Que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle artificiel. Nous sommes toujours ensemble dans la bulle aujourd'hui, eh bien avec Denis et Lambert. Hein, vous avez bien compris de quoi nous parlons aujourd'hui. Alors on vient de faire un petit tour rapide, un tour d'horizon de la maison du tourment. Ça donne vraiment en tout cas très envie d'y aller et de voir un petit peu tout ce que vous avez préparé, les décors, etc. etc. Ça a l'air vraiment fantastique. La ferme aventure, on peut venir avec toute la famille, même les enfants en bas âge. Oui, c'est ça. Je voudrais déjà remercier Lambert pour son choix musical, parce que moi, je suis un amoureux du violon. Et donc, comme il est originaire de Mirecourt, et lui aussi, le violon, c'est quand même l'image de Mirecourt. Oui. Voilà. Donc, pour en revenir à la ferme aventure, c'est pas dans le Loir-et-Cher qu'on va aller mettre les pieds dans la boue, mais bien dans les Vosges, ici, à la ferme aventure. Oui, voilà, c'est super. Donc là, on peut vraiment venir avec papy, mamie et les arrière-petits-enfants. Hein, voilà, toute la famille, c'est vrai. Et c'est vrai, au mois de juillet, on a souvent les papis-mamies, hein, puisque les parents sont pas en vacances, donc ils amènent les petits-enfants. Et d'ailleurs, on a tous les petits-enfants en ce moment, puisqu'on reçoit les écoles. Hein. Ah bah oui, oui, oui. Le mois de juin, c'est eh bien, le mois des écoles à la ferme Aventure. Ça, c'est super, voilà. Ça. Il y a des écoles qui viennent faire leur séjour de fin d'année à la ferme. Voilà, ça, énormément, oui. On a 300 enfants par jour, à peu près, ah ouais, sur super. Le parc. Voilà. C'est super. Donc, tu nous parlais d'une nouveauté qui se nomme Tectus, avec un petit voyage en souterrain. Ça, ça a dû plaire à Lambert. T'as essayé ? Tu vas essayer ? Alors, on va pas vendre la mèche, mais en tout cas, ce que prépare la ferme Aventure, c'est vraiment original. L'idée est terrible. Et ça donne une continuité vraiment au labyrinthe donc, du château, qui est un labyrinthe de tranchées, en fait. Vous avez différentes questions. Et tout s'enchaîne naturellement, justement, pour s'échapper du château. Il faut passer dans un espèce de passage secret. Et justement, Tectus, c'est le fameux passage secret. Ah. Donc, c'est une ambiance différente, c'est quelque chose vraiment de complémentaire, et je pense que vraiment les gamins, puis même les plus grands, vont s'éclater là-dedans. Quoi, voilà. C'est ça qui est bien. C'est un très bon ajout. C'est ça qui est vraiment génial, c'est qu'on s'éclate tous, en fait, sur la ferme aventure dans le parc. Hein. C'est vraiment, c'est pas que réservé aux enfants, hein. Même les adultes passent vraiment un très bon moment. Voilà, c'est une très belle journée de détente en famille. Voilà, il y a pas de barrière, etc. Et c'est sécurisé aussi. Il y a pas de risque. Et c'est vrai que là, eh bien, on brave un petit peu les interdits, hein, parce que souvent, marche pas dans la boue, marche pas dans l'eau. Tu vas salir tes chaussures, etc. Là, c'est la décontraction totale. Et puis une journée, en immersion au cœur de la nature. Pour profiter. Voilà, quoi de mieux. Voilà, tout est dit. Non, je rigole. Alors là, vraiment, l'aspect nature, hein, ça, c'était très important pour toi. On le comprend. Hein, t'es très proche de la nature et nous aussi, d'ailleurs. Donc, on te félicite pour ça. Il y a une petite ferme sur place où on peut trouver quelques animaux. Ah oui, parce que c'est vrai qu'on oublie quand même. On se dit, la ferme Aventure, oui, c'est une ferme. En fait, c'est une ancienne ferme, ce qui a donné le nom, la ferme Aventure, hein, bien sûr. Mais, on a quelques poules, des canards, on a des oies. On a un petit cochon, qui est un joli petit cochon, des lapins, et puis les chèvres, bien sûr, les petites chevrettes, et puis deux nouveaux venus, deux petits poneys, Shetland, qui sont gentils comme tout, et ils commencent. Bon, ils étaient un petit peu sauvages, mais là, les enfants vont les voir, et ça y est, je crois que ça va être. Voilà. Ils se laissent. C'est les deux derniers venus, on les retrouvera bientôt en photo sur notre Facebook. N'hésitez pas à suivre tout ça sur Facebook, bien entendu, et puis également sur le site. Hein, www.lafermeaventure.fr hein, comme d'habitude on mettra tout ça en lien avec le podcast de cette émission. T'as prévu de leur faire quoi aux animaux pour la maison du tourment, Lambert? À premier on les fait pas disparaître. Voilà, on les laisse tranquilles. Alors on fait un petit tour quand même de la ferme aventure pour ceux qui ne connaîtraient pas. Est-ce que tu peux nous nommer un petit peu tout ce qu'on peut retrouver là-bas sur place? Alors déjà, pour se rendre à la ferme Aventure, c'est le premier labyrinthe. Hein. Donc voilà, c'est une section de petits chemins qui part de la départementale depuis la chapelle au bois. Donc rassurez-vous, c'est fléché. Hein. Mmh. Et puis là, vous arrivez sur la côte de Hardémont, donc c'est sur les hauteurs, hein, donc 8 hectares. Mmh. Donc boisé aussi pour l'ombre, hein, parce qu'on nous annonce quelques canicules. Donc, et bien sûr, il faudra se mettre un petit peu à l'ombre, mais aussi se rafraîchir. Alors le toboggan aquatique est là, ça, c'est génial. Hein, pour rafraîchir les enfants. Et puis de là, des parcours, hein, 5 labyrinthes, le labyrinthe des sens, là où pour éveiller vos sens avec les boîtes à vue, les boîtes à senteurs, les boîtes à toucher. Donc je fais un petit peu le tour. Hein. Vous avez le labyrinthe de maïs traditionnel qui pousse. Il y a le labyrinthe de fossé. Aide-moi un petit peu, Lambert. C'est vrai qu'à force... Il y a un parcours dans les arbres aussi. Ah oui, il y a un grand, grand filet dans les arbres hein, qui a doublé sa surface l'an passé, avec un toboggan aussi pour s'échapper de cette grande nappe de filet canopée. Hein. Oui. Et puis avec un passage dans le noir aussi, parce qu'il y a un filet dans le noir. Donc ça, c'est pareil. C'est un petit peu... C'était notre nouveauté. Hein, c'était inédit l'année dernière. Donc on passe dans un tunnel dans le noir. Oui. Voilà. Donc c'est déstabilisant un petit peu parce qu'il y a le filet qui balance et puis on est dans le noir. Voilà, avec des ballons pour jouer à l'intérieur de cette nappe de filet et dans les arbres. Oui. tout le parcours en forêt, hein, le parcours pieds nus qui est sensoriel, je dirais, avec des passages pieds nus qui étaient thématisés aussi avec des cabanes. Il y a la cabane de la sorcière qui est méchante là, il y a la cabane du druide, voilà. Et puis il y a des jeux aussi un petit peu éducatifs, j'allais dire, puisqu'on va pouvoir découvrir la forêt avec un arboretum. On pourra aussi profiter, c'est un travail d'une stagiaire l'année dernière qui a été fait autour des arbres et de la sylvothérapie. Ah, c'est donc génial, on a ça. Plusieurs arbres avec une explication sur l'arbre, ce qu'apporte l'arbre, etc. Donc des moments aussi privilégiés, donc où vous pourrez venir embrasser les arbres. Ah bah ça c'est génial. Bah, on va venir, on va rester tout l'été en fait. Voilà. Et puis plein d'autres choses. Mais oui, que vous redécouvrirez sur place de toute façon, ou que vous découvrirez pour les nouveautés. Alors chaque année, les énigmes, elles sont modifiées. Ah bien sûr. Alors toutes les énigmes sont modifiées. Hein. Bien sûr, vous pourrez accéder à Mystère au Grenier avec l'Escape Game, mais voilà, sous une autre forme, avec des énigmes qui seront un petit peu un rallye photo. Enfin, et on a photographié certains endroits où là, ils vont trouver des indices. Alors, il faudra avoir une mémoire visuelle ou utiliser peut-être le portable, c'est le côté connecté dans un endroit déconnecté. Voilà. Le petit côté geek. Alors, est-ce que tu en profites pour sensibiliser un peu toutes ces générations à la protection de la nature ? Oui, c'est très très important sur le parc. Bien sûr, nous avons une gestion écologique du parc. Hein. Bon, on n'en fait pas la paresse. C'est naturel pour nous. Oui. Hein, l'écologie, moi je suis quelqu'un de la terre, je suis agriculteur, donc voilà. Mais on incite les gens à pas laisser ces déchets traîner. On essaye d'avoir un parc le plus propre possible. C'est vrai. Donc c'est toujours cette sensibilisation aux gens. On met pas des poubelles dans tous les coins. Non plus, donc il y a la poche pour mettre, donc d'ailleurs quand on reçoit les écoles, on les incite aussi à respecter la nature, respecter aussi, se respecter entre soi, c'est important, c'est mais aussi respecter la nature. Donc le petit papier, on le met dans la poche. C'est ludique et naturel et c'est ça qui est bien. Voilà, il faut que c'est un geste naturel, comme marcher pieds nus, c'est naturel. Alors j'imagine que ce parc, il demande beaucoup d'entretien quand même. Oui, c'est une équipe permanente, on est 6 en permanence sur le parc, avec des personnes qui s'occupent de l'entretien, et puis on renforce les équipes avec tous les saisonniers. À partir de juillet, une dizaine de personnes qui viennent renforcer l'équipe. Super. Et toi, Lambert, de ton côté, j'imagine qu'il y a énormément de préparation. Là, vous êtes en plein dedans, là, vous êtes en train de monter les décors et tout ça. Oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment un univers qui est vraiment fascinant, parce qu'avec quelques bouts de bois, etc., on arrive à transformer un petit peu la matière pour aboutir à quelque chose de très sympa. Donc effectivement, cette année, il y a vraiment pas mal de pain sur la planche, notamment par rapport au spectacle, donc les aventuriers de Chapaya, donc il faut créer le décor et en parallèle, justement, créer le spectacle qui va avec. Créer les dialogues, les bandes-sons, l'ambiance lumineuse. Il y a toute une partie aussi technique, justement, puisque la lumière va un petit peu façonner cet univers-là et plonger, vraiment aider à l'immersion des visiteurs. Comment elle se compose, l'équipe, justement, parce qu'il y a toi et Stella sur scène ? Oui, on est deux, en fait, justement, à se répartir sur la présentation, envoyer les musiques, etc., les top départs. Ah, vous êtes que deux à gérer tout ça ? Voilà. Lumière. Multifonction pour pouvoir... Incroyable. Justement, on essaie de... C'est un apprentissage continu, justement, de différentes techniques. Il faut s'y connaître un petit peu dans plusieurs domaines pour être le plus polyvalent possible et essayer de faire un maximum de choses en un minimum de temps. Comment ça s'est passé un petit peu ton parcours pour en arriver jusque-là ? Je note que vous êtes double finaliste du championnat de France de magie quand même, s'il vous plaît. Il faut tenter. C'est vraiment le fait de faire des concours, c'est quand même une remise en question. C'est pas... On a voulu se remettre en question pour éviter la monotonie, etc. Donc on avait créé en 2016 et 2018 deux numéros de concours. Donc qui ont, je pense, plutôt bien marché. On avait réussi à gagner la troisième place au Festival international de magie d'Amnéville l'année dernière. Donc ça nous a un peu réconfortés dedans. Donc notre style de magie, c'est plus la magie théâtralisée. D'accord. C'est comme une sorte de pièce de théâtre où les effets magiques servent à l'histoire et non l'inverse. On n'a pas l'impression que c'est le matériel qui fait le spectacle à la place du magicien. Donc voilà, et le but c'est d'avoir toute une histoire, des décors pour vraiment avoir un spectacle complet. Donc bah, bravo en voilà tout cas pour ça. Le parcours. Bah, super. Alors là, contrairement à la Maison du Tourment, ce spectacle Chapaya, le secret du temple perdu, c'est intergénérationnel. Tout le monde peut regarder, participer. Voilà, du plus jeune âge vraiment jusqu'aux grands-parents. Le but c'est vraiment de cerner un public très très large pour que tout le monde participe et y trouve son compte. Donc du coup, pour l'intrigue principale, je peux vous la donner, mais vous aurez quand même tout le plaisir de découvrir le spectacle très prochainement à la Ferme Aventure. Et oui, dès le 6 juillet. Le but du jeu, voilà, le 6 juillet. Le but du jeu, c'est de retrouver en fait une pierre assez rare qui est vraiment enfouie sous le temple. Et cette pierre, justement, a des dons un petit peu, on va dire des dons un petit peu paranormales qui va un petit peu interférer, donner des pouvoirs à toutes les personnes qui sont en contact avec cette pierre. Et dans ce spectacle-là, on va y mettre quelques techniques assez novatrices dans l'univers de la magie. C'est l'utilisation d'un drone, notamment. Ah oui. Drone et magie, c'est une grande première en France, en tout cas. Donc on va essayer de marquer les esprits, en tout cas avec cette utilisation de cet ustensile, qui va nous servir un petit peu, comme vous pouvez voir dans différents reportages télévision. Les explorateurs utilisent des drones pour partir en fait à la conquête de nouveaux endroits qui ne sont pas forcément accessibles par rapport aux êtres humains, mais qui sont accessibles par rapport aux machines. Ah oui. Des voitures télécommandées avec des caméras, des drones. Donc l'idée justement, c'est de partir à la recherche du temple perdu avec ce drone, de ramener des bonnes images qui vont nous permettre de récupérer cette fameuse pierre qui va servir. Voilà. Mais donc ça donne envie. Il y a un mélange aussi de vidéos, de multimédia avec la magie pour créer quelque chose, un contenu assez sympa et original. Voilà. Et oui, ça c'est vraiment, ça se complémentarise tout ça. C'est vraiment parfait. On voit que la créativité, l'innovation, là, c'est le maître mot. Parfait, seul le public nous le dira en tout cas, mais nous en tout cas, on va tout faire pour, on va se donner à fond et faire ça vraiment avec le cœur et avec plaisir. Quoi. Et bah, ça c'est le principal. Et ça... Vraiment, c'est très très beau, je finirai là. Non, je rigole. Alors, on va se lancer dans une troisième bulle de son avec encore une chanson proposée par Lambert, Queen pour Kind of Magic. Excusez-moi, je travaille mon anglais, mais ça vient toujours pas. On écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. It's a kind of magic. The bell that rings inside you. Nous sommes toujours ensemble et bien dans la bulle aujourd'hui avec nos deux invités Denis et Lambert qui sont venus passer un moment avec nous et bien pour nous parler de tout ce que vous proposera la ferme aventure voilà pour cette nouvelle saison et pour surtout pour son 15e anniversaire hein, quand même on le note vraiment on est très très heureux et également et bien avec plein de nouveautés comme le spectacle et bien Chapaya dont nous a parlé Lambert et puis bien entendu la transformation du parc dès octobre pour la maison du tourment. Vraiment, c'était un très bon moment pour moi, en tout cas. Et je suis ravie que vous soyez venus nous parler de tout ça. Donc, pour tous nos auditeurs, eh bien, n'hésitez pas à vous rendre sur les différents sites internet pour en savoir plus. Et puis, voilà, laissez-vous porter pour un super bon moment entre amis, en famille, etc., etc. Plus aucune excuse pour ne pas se faire plaisir. Et d'ailleurs, ça, c'était vraiment le maître mot. On vient d'en parler en off. Vraiment, l'important, c'est de se faire plaisir. Eh bien, de se faire plaisir, bien sûr, dans la création, dans la préparation. Et après, eh bien, de se faire plaisir en voyant le plaisir qu'on Mais prend oui. les gens donc, à venir eh bien, découvrir et partager ce moment. Et j'allais dire, eh bien, bienvenue, venez buller à la ferme aventure. voilà. Et puis, un grand merci, Lia, pour ton accueil sous ta bulle. C'est moi qui vous remercie tous les deux. Lambert, un petit dernier mot. Eh ben, merci en tout cas de nous avoir reçus, etc. C'est toujours un plaisir de venir rencontrer Radio Gémozo. Et en tout cas, oui, on attend vraiment les visiteurs nombreux pour découvrir ce qu'on leur a préparé, ce qu'on leur a mijoté. Mais en tout cas, je pense que... Ils vont vraiment bien s'amuser et passer un bon moment. Donc et ben voilà, c'est super. Ils vont vraiment passer un bon moment, ça, c'est garanti. Et bien encore merci vraiment à tous les deux. On se retrouve très bientôt pour nos auditeurs. On se retrouve également le plus vite possible. Je vous embrasse très très fort. Puis en attendant, et bien n'oubliez pas, hein, c'est comme à chaque fois, hein, bonheur, joie et rire à tous. your neck, your neck, your neck, the rhymes, the rhymes, the rhymes.